Vous êtes intellectuel, artiste, penseur? La société de consommation dans laquelle vous vivez vous déprime et vous ronchonnez à qui veut l'entendre que les plaisirs futiles sont la plaie du monde? Ne vous en faites plus. Vous avez enfin le pouvoir de rendre le monde moins laid qu'il n'est. Faites-vous relooker. En étant habillé comme un sac, l'intellectuel contribue à la laideur du monde et ses vestes en velours côtelé accentuent la tragédie de l'existence. En vous faisant relooker et maquiller par nos spécialistes, le commun des mortels a enfin plaisir à vous regarder. Arrêtez de parler, faites-vous relooker. C'était un message de l'Association des conseillers en images pour un monde meilleur. Ça va pas la tête ?